Ceci est une lecture de Christiane Jehan pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. La Noël du petit joueur de violon de Camille Lemonnier. 1. Jean dit à son domestique, M. Capel, de la maison Capel et compagnie, « Allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue. »« Je n'ai pas besoin de me déranger, M. Capel, pour savoir que c'est le petit mendiant à qui vous m'avez fait donner 2 sous ce matin, » répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau. « Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles !» s'écria M. Capel. « Tous les ans, je donne 100 francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir. Attendez un peu que j'ai fini d'épousseter votre grand fauteuil, M. Capel, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc, 100 francs aux pauvres de la ville ? Je lui dirai cela, soyez tranquille. » Et s'il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien du tout, des gueux, des rats, monsieur Capel. » Et Jean donnait de si furieux coups de son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachaient par poignées. « Oui, monsieur Capel, des rats, 100 francs par an. Vous badinez, je pense. » Doucement, s'il vous plaît, Jean, vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J'entends de nouveau le violon. « Sortirez-vous à la fin ?»« Oui, monsieur Capel, » fit Jean en passant son plumeau sous son bras. « Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l'arranger. » Puis il se planta au milieu du bureau, croisa ses bras et, regardant son maître d'un air attendri, la tête sur le côté, s'écria « Est-il, Jésus-Dieu, possible que des rien du tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur Capel, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête et qui donne 100 francs par an aux pauvres de la ville. Non, monsieur, cela n'est pas croyable. » Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés et le nez en terre, avec de petits hochements de tête, comme un homme qui médite sur ce qu'il vient de dire. Mais, au moment de sortir, il releva les yeux et, interpellant son maître, « Ainsi donc, monsieur Capel, je lui dirai de votre part, qu'est-ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, monsieur ?»« Jean, attendez un peu !» cria en ce moment une joyeuse voix de petite fille. Et Hélène, que tout le monde appelait l'NG dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh, la jolie enfant ! Elle avait 10 ans, les joues roses, les cheveux blonds, les yeux bruns. Et sa grande tresse serrée dans des nœuds de soie bleue battait son dos comme une gerbe d'épis tressée. « Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui porter. » Mais M. Capel lui répondit avec humeur, « Qu'as-tu à t'occuper de cet affreux petit drôle ? J'en ai assez de sa manivelle. » « Ah, père, il est si gentil !» fit l'enfant en joignant les mains très doucement. « Il joue si bien. Il n'a peut-être plus de père, car enfin, est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père ?»« L'NG, voilà une sotte question. Qu'y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens ? Tu es la fille de Jacob Capel, de la maison Capel et compagnie. »« La plus riche maison de la ville, l'NG, » dit Jean, en crachant derrière sa main dans le corridor. « Eh bien, père, tiens, je voulais te dire quelque chose de très raisonnable, et voilà que j'ai oublié. Attends, ah, je sais maintenant. Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien, tant que je serai vivante. Et pourtant, je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou, s'il te plaît, papa, ou je le prends sur l'argent de mes économies. » Tiens, voilà le sou, l'Angé. Mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux. Je m'occupais des intérêts de la maison, au lieu de prendre attention à des coureurs de rue. Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous les jours ma leçon, et j'ai eu hier encore 3 bons points pour mon écriture. Oui, ma chérie, mais tu es pendue tout le jour à ma poche. Un sou est un sou, et 10 sous font 1 franc, et 1 franc avec d'autres francs font, au bout de l'année, un joli intérêt. Crois-tu qu'on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres ? Ici, Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main dans le corridor, il s'écria « Ah bien non, Lenge, qu'on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur, et qui, tous les ans, donne 100 francs aux pauvres. Ah bien non, et pour ma part, monsieur Capel, je vous dirais, allez-vous-en, nous en avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons 100 francs par an. Est-ce que je m'en dis, moi ? Je suis domestique chez monsieur Capel, et je travaille. Eh bien, travaillez aussi. Voilà ce que je dirais. » Monsieur Capel haussa les épaules et, poussant du doigt Lange vers la porte, « Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l'année et j'ai à revoir mes livres de compte. » Ils descendirent et brusquement, Jean se mit à crier de toute la force de ses poumons. « Eh, là-bas ! Eh, mendiant ! Garnement ! Propre à rien !» L'archet cessa de faire grincer les cordes du violon et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis dans l'encoignure d'une porte. Alors Jean prit un air majestueux et, la main tendue, comme un avocat qui commence un plaidoyer, « Monsieur Capel vous fait dire de sa part qu'il donne 100 francs par an aux pauvres de la ville et que... »« Venez, petit, venez par ici !» interrompit Lange, poussant à travers la porte sa jolie tête rose. Et, de la main, elle lui faisait signe d'approcher. Le petit mendiant, qui avait ôté son chapeau, en souriant gauchement, quand Jean s'était mis à lui parler, entra dans le grand vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec de réitérés mouvements de tête, humbles élans pour saluer. Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête, et tout à coup indigné, montra Lange et s'écria « Savez-vous bien à qui vous parlez ? À Lange, la fille de M. Capel !» Et M. Mégank, le notaire lui-même, n'est pas plus riche que M. Capel, quoique son cocher ait un frac avec de l'argent dessus. Mais l'enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien. « N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi, vous n'avez plus de père, petit ?» Il fixait à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules doucement, pour montrer qu'il ne comprenait pas. Puis, par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu. « Bon, c'est un sourd-muet, s'exclama Jean. « J'ai vu ça de suite. Voyons, répondez. N'est-ce pas que vous êtes sourd-muet ?»« Comment voulez-vous qu'il soit sourd-muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon ?» Alors le jeune garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche, comme s'il s'apprêtait à chanter. Mais Lange posa la main sur l'archet et lui dit « Moi, j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa. Est-ce que vous n'avez pas compris ?» Il leva sur Lange 2 beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules. Mais cette fois, un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée. « Ah ! » s'écria tout à coup Lange gaiement, en frappant ses mains l'une dans l'autre. « Il veut dire qu'il n'est pas du pays. D'où viendrait-il, Jean ?» Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant. Et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie. « Tenez !» lui dit Lange. « J'ai demandé à mon père un sou que voici, et j'y joins 3 sous qui m'appartiennent. Cela vous fait 4 sous pour vous acheter un gâteau, car c'est la Noël ce soir. J'ai bien encore 20 sous dans ma tirelire, mais j'ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien, une autre fois, je vous montrerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas, elle a coûté 20 francs. C'est une poupée très jolie. » Et Lange mit ses 4 sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Linger avait glissé les sous, il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait mal. Il baissa aussitôt les yeux, et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu'il portait son argent à sa bouche et le baisait religieusement. « Il poverello !» cria-t-il tout à coup d'une seule voix, avec une grande énergie. Et, glissant très vite son violon sous son menton, il posa l'archet sur les cordes et ouvrit la bouche, en regardant en l'air, la tête sur l'épaule. « Linger, linger !» cria une voix dans l'escalier. Et Mina, la bonne, parut dans le corridor, tout essoufflée. « Que faites-vous ici, Linger ? Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens ? Dieu du ciel ! Mon corset vient de craquer. Je serai obligée de remettre une agrafe. » Mais elle, toute à son admiration, « Voyez, Mina, quel gentil petit garçon ! C'est le même qui nous a suivis dimanche, quand nous sommes allés, Nelly et moi, à la boutique de Monsieur Pouf, le marchand de volailles. Car vous étiez retournée ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nelly a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n'a pas eu peur de Nelly, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouvez-vous pas qu'il est bien gentil, Mina ? Comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon sale, noir, mal lavé, et qui porte les cheveux si longs, Linger ? Je n'ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas m'exposer à prendre un rhume en vous attendant. Mina, Mina ! Pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant, après l'avoir trouvé si gentil hier au soir ? Car je vous ai donné hier une pièce neuve de 50 centimes pour la lui remettre, et vous êtes remonté en disant que vous n'aviez jamais vu un plus doux ni plus joli mouton. Bon, Linger, ce que je vous en dis aujourd'hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C'est un doux mouton, voilà. Un doux et joli mouton, Mina. Oui, tout ce que vous voudrez, Linger, un doux et joli mouton. Êtes-vous contente ? Je sais très bien que vous m'avez donné une jolie pièce de 50 centimes, toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d'ici. Elle toussait en parlant, un peu gênée, car elle l'avait gardée pour elle. Et Mina était en effet descendue la veille pour remettre la pièce au jeune garçon. Mais, au moment d'ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain cloqué, à genoux dans la neige, et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Cloqué, qui était jaloux, lui avait dit « Pourquoi venez-vous à la porte, Mina ? Est-ce que vous m'avez entendu frapper contre la vitre ? J'ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûr que quelqu'un a rendez-vous à cette heure avec vous. Est-ce le gros Lupé, le Crollet ou Métaine, le cocher de Monsieur Mégonc ? Dites-le-moi, Mina, ou je vous pince. » « Qu'est-ce que vous me chantez là ? » s'était écriée la grosse petite bonne. « Vous êtes toujours plantée devant le carreau pour savoir ce que je fais, Cloqué. C'est fini. Je ne veux plus rien avoir pour vous. Mariez-vous ailleurs. J'en ai assez de toutes vos raisons. Qu'est-ce que vous dites ? » ?»« Eh bien, si c'est comme cela, je m'en vais. J'en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir. » »« Je ne dis rien. » »« Non, non, c'est inutile. » Nous irons chacun de notre côté. J'en connais qui vous valent bien. Il n'y a que le choix qui m'embarrasse. Votre amie, Justine ? Eh bien, prenez Justine. Je vous l'abandonne, avec son cou sur le côté et son air de n'y pas toucher. Votre ami, Dirk ? Prenez Dirk. Voilà un joli mufle. Sans compter qu'il boit tout son mois en un jour. Il y a bien de quoi faire la fière. Vous me rendrez mon mouchoir et mon gant, s'il vous plaît, avant dimanche. Car je ne veux plus que vous ayez rien de moi. Ni moi non plus. Vous me rendrez le sang d'aiguille et le petit pot de pommade. Le petit pot de pommade ? Il y a beau temps qu'il n'y en a plus de la pommade dans votre petit pot. Allez, ne me retenez pas plus longtemps. Je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous. Eh bien, gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi. Et s'il vous en faut encore un ? Je ne vous connais plus. Hein ? « Bonsoir. »« Voyons, Mina, est-ce moi que vous attendiez ou un autre ?»« Rien. »« Dites-moi si tout est fini entre nous. »« Bonsoir. »« Ah, Mina, le pauvre Cloquet, a-t-il mérité d'être aussi durement traité ? Prenez Justine. Ce sont là des histoires, ma petite Mina. Je n'ai rien pour Justine. Il n'y a que le choix qui vous embarrasse. J'étais venue avec l'intention de vous donner. Hein ? Mais c'est inutile, puisque tout est rompu. Dites toujours. Non, cela ne sert à rien. Voyons un peu. À quoi bon ? C'est pour voir. Ce sera pour une autre. Alors, bonsoir. Mina, dites-moi pourquoi vous êtes venue à la porte et je vous dirai. Ah, Cloquet, vous ne méritez pas qu'on vous aime. Qu'est-ce que c'est que vous me donnez ? Mina, je vous apportais une petite broche en jais. Montrez un peu pour voir. Mon petit Cloquet, c'est très gentil d'avoir pensé à votre Mina. On voit bien l'amitié que les gens ont pour quelqu'un au cadeau qu'ils lui font. Maintenant, Mina, nous ne nous quitterons plus. Dites-moi pourquoi vous avez ouvert la porte. Ah, Cloquet, c'est pour cet affreux mendiant qui jouait tantôt du violon devant la maison. Où est-il ? L'avez-vous vu partir ? Le voilà, qui tourne le coin de la rue. Lange m'a donné de l'argent pour lui. Hem, hem. Pourquoi faites-vous hem, hem, Cloquet ? C'est que si j'étais à votre place, Mina. Que feriez-vous à ma place ? Je sais bien ce que je ferais. Les mendiants sont assez riches comme cela. N'en dites rien à personne, Cloquet. Nous le mettrons avec les autres pour le jour de notre mariage. Ah, Mina, il y aura toujours du pain sur la planche avec une femme comme vous. Et voilà comment il se fait que le petit mendiant n'eut pas la jolie pièce que Lange avait donnée pour lui à la bonne amie de Cloquet, le fils du sacristain. Mais la fine Mina n'avait garde d'en rien laisser paraître, et elle faisait à présent semblant de se rappeler très bien qu'elle la lui avait donnée. « C'est égal, Lange, dit-elle. Vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces petits traîneurs de pavés. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J'en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles, quand j'étais en service chez M. Schrorels, le ferblantier, et j'entendais dire autour de moi qu'il venait de si loin que c'était au moins de Macaroni ou d'Italie. Je ne sais plus au juste, mais c'est quelque chose comme cela. « Mina, Mina, c'est donc plus loin que Bruxelles. Ah, pauvre petit garçon, je lui garderai certainement un morceau du gâteau de Noël. » Voilà votre père qui vous appelle. Rentrez vite, de peur qu'il ne vous trouve encore dans le vestibule. Bonsoir, petit mendiant, dit alors l'enfant en faisant aller ses mignonnes mains. Maman m'a appris à prier Dieu pour les pauvres. Je dirai dimanche à la messe une prière pour que vous soyez toujours un gentil petit garçon. Alors Jean, redevenu hautain, le bourra dans les épaules. « Allons, sortez d'ici. Monsieur Capel vous fait dire de sa part qu'il donne tous les ans 100 francs aux pauvres de la ville. »« Vous êtes bien dur, Jean, » dit Lange. « Qui ça ? Moi, dur, Lange ? On m'a toujours dit que j'avais un cœur de poulet. »« Vous le rudoyez. »« Le rudoyez, moi ? Sortirez-vous à la fin, vilain rat ?» Le petit mendiant regarda l'argent qu'il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit, et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean avec colère. « Allez, allez !» lui cria Jean. « Je me moque de vos grands yeux. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis ici dans un bon service, où je ne manque de rien, et où je gagne de bon argent, propre à rien, brigand !» Et la porte se ferma.